Qu'est-ce qu'on sait davantage autour de cette autre réorganisation, j'ai envie de le dire ainsi, de cet important dispositif militaire français aux frontières entre les deux pays? Oui, il faut comprendre que les images ont été filmées par des populations terrifiées. C'est les populations tchadiennes qui ne comprennent pas pourquoi des véhicules blindés militaires doivent déferler sur leur territoire, les militaires français bien sûr. Et donc c'est la preuve même que les populations tchadiennes ne sont pas d'accord avec ce qui se prépare. Depuis deux jours, nous constatons que les militaires français démobilisés en Centrafrique, tout récemment, au Burkina Faso et au Mali, se sont installés au Tchad. Parce que l'armée française a une base militaire stratégique au Tchad. Et cette armée a créé des bases avancées. Pourquoi la création des bases avancées intervient en ce moment? Parce que l'armée française, n'étant plus en Centrafrique, a besoin d'un positionnement géostratégique du côté du Tchad, juste au niveau de la frontière, parce que Gorée, c'est à la frontière. C'est une des frontières tchado-centrafricaines. La RCA et le Centrafrique partagent 1000 km de frontière. Mais il faut comprendre la structuration de la stratégie française. Vous vous souvenez qu'il y a quelques... Depuis un certain moment, le Tchad prétend qu'il y aurait des mercenaires tchadiens en Centrafrique. Je dis bien le Tchad prétend. Vous savez, il y a eu beaucoup de problèmes sociopolitiques au Tchad. En 2022, cette crise a créé des mouvements de déplacés. On s'est retrouvé avec une colonie tchadienne qui a immigré du côté de la frontière centrafricaine dans des villes qui jouxent la frontière. Et depuis un moment, les autorités tchadiennes disent que c'est des rebelles, des mercenaires en formation. Les autorités centrafricaines ont mis sur pied, par le mécanisme de renseignement appuyé par leurs partenaires, ils ont organisé des battues de terrain pour se rassurer que ces gens étaient ou n'étaient pas des mercenaires. Il ressort qu'en Centrafrique, dans cette zone de la frontière, il y a certes des réfugiés centrafricains, mais qui ne sont pas armés. Et les autorités centrafricaines, dépourvues de moyens nécessaires, travaille au rapatriement de ces déplacés au Tchad. D'ailleurs, une visite de travail du président Déby était prévue en RCA il y a 3 semaines. Elle n'a pas eu lieu, elle a été décommandée. Réseau officiel, carême. Mais bon, est-ce que le carême nous empêche de travailler? Point d'interrogation. le Ramadan. Raison officieuse, allons chercher à comprendre pourquoi à la dernière minute, ce voyage de travail n'a pas eu lieu. Donc, mes très chers frères, faisons attention, quelque chose de très dangereux et de très grave se trame. Pendant que les autorités centrafricaines, pendant que le président Touadéra travaille avec ses collaborateurs à régler rapidement cette question des déplacés qu'on ne contrôle pas, les autorités tchadiennes annonce la semaine dernière des combats au nord-ouest, dans un autre confin d'une frontière, dans un autre point de frontière centrafricano-tchadienne. Il s'avère que cette fois-ci, des rebelles centrafricains auraient traversé la frontière du côté du Tchad et auraient commis des exactions sur les populations. L'annonce d'une riposte farouche des forces tchadiennes sur ces rebelles va être accueillie en Centrafrique avec enthousiasme, joie. Mais cette joie sera de courte durée. Mes très chers frères, parce que le lendemain, lorsque le général en charge des questions de sécurité au Tchad va arriver dans cette zone, il va tenir un discours belliqueux. Il va tenir un discours de vote en guerre. Il va annoncer que dorénavant, les rebelles, entre parenthèses, dit centrafricains, seront pourchassés jusqu'à Bangui, au mépris du droit international et du droit de poursuite. Donc vous comprenez donc que, dès cet instant, les stratèges politiques et conseillers du président Touadéra, à partir de cette déclaration, sont tentés de remettre en cause l'histoire des rebelles centrafricains qui auraient attaqué cette frontière. Parce que si le droit de poursuite n'est pas respecté, vous savez, en droit international, le droit de poursuite est une question qui se négocie entre deux États. C'est un accord. Un État ne peut pas prétendre pourchasser, violer la frontière, pourchasser des bandits ou des rebelles dans un autre État sans l'accord de l'État voisin et sans la contribution technique de l'État voisin. Ça dit qu'il faut une coopération. Et lorsque le ministre fait cette déclaration au mépris des accords bilatéraux, au mépris du droit, au mépris du droit de poursuite, nous en sommes à nous demander, est-ce que ça n'était pas une stratégie qui consistait à créer le problème? Moins d'une semaine après, les autorités centrafricaines vont cette fois-ci recevoir une correspondance d'un groupe de mercenaires, d'un groupe d'irrebelles. Vous comprendrez à la fin pourquoi j'ouvre les guillemets. Tout à fait. Leur proposant ses services, un groupe prétextant avoir plus de 1000 hommes qui se proposait d'aider les forces de sécurité centrafricaines à sécuriser la partie nord. Tout à fait. Du pays. Est-ce que vous imaginez un peu? Un rebelle d'un pays voisin qui écrit à un État en disant nous sommes rebelles. Nous savons que vous n'avez pas les moyens de sécuriser cette zone. Nous nous proposons. Nous sommes armés. Nous avons des hommes. Nous nous proposons de sécuriser cette zone pour vous, un État. Tout de suite, le président Touadéra, une fois informé, va convoquer une réunion de sécurité pour demander qu'on traque les auteurs de cette correspondance et il va renforcer le dispositif sécuritaire à la frontière dans cette province-là, dans la Bakaga. En seulement 24 heures, le président Touadéra a pris toutes les dispositions avec les alliés russes et rwandais. Et le lendemain, pendant que le président Touadéra prenait toutes les dispositions pour renforcer la sécurité dans la Bakaga, nous apprenons que des militaires français lourdement armés Équipés, suréquipés, se déploient vers Gorée. Vous voyez donc que quand vous analysez avec froideur les différents événements que je viens de situer, d'expliquer, il se cache derrière tous ces événements un projet de déstabilisation. Les enquêtes faites démontrent aujourd'hui que la lettre, la correspondance qui a été envoyée aux autorités centrafricaines était une correspondance faite par les agences d'intelligence françaises. Et non par ce fameux groupe rebelle imaginaire. Imaginaire. D'accord. Le groupe rebelle n'est qu'un groupe imaginaire. Ici, là, vous comprenez, vous allez comprendre que la France cherche le justificatif de créer une guerre entre le Tchad et la RCA. La France cherche l'élément justificateur pour créer une guerre entre deux États, le Tchad et la RCA. D'où la lettre imaginaire. D'où la lettre imaginaire. Cette lettre a pour objectif de tenir le président du Tchad en laisse en lui disant voilà ce que Touadéra et les Russes ne parlent contre toi. Tu te dois de composer avec nous. Il n'y a que nous qui pouvons assurer ta survie. C'est ça la stratégie. Voilà la stratégie de l'objectif de cette lettre. Tenir le président Déby en laisse. Et donc, lorsque le président Touadéra, aussitôt informé, pendant qu'il prend toutes les dispositions pour sécuriser cette zone, afin que si jamais ce groupuscule armé existe, qu'il ne prenne pas forme, la France déploie tout un arsenal dans la zone sud. Je tiens à rappeler que la RCA et le Tchad partagent plus de 1000 km de frontières. 1000 km de frontières. Alors, pourquoi le sud, mes très chers frères? Parce que dans la zone sud, de l'autre côté, vous avez des ennemis. Les Kabas, et un peu après les Kabas, vous avez l'ennemi du président Mosé. Donc, c'est une zone CPC. C'est une zone CPC en face de Corée. C'est une zone CPC. Donc, c'est dans cette zone-là que la CPC qui a perpétré des attentats en 2020-2021 a été structurée. Et donc, la présence française dans cette zone ne consiste pas à aller s'affronter contre l'armée centrafricaine. C'est une base logistique que Paris est en train d'établir à Gorée pour renforcer, réorganiser, restructurer la coalition de patriotes, mercenaires, bandits de grand chemin de Bozézé. C'est pour cela que je vous disais, il y a quelques mois en arrière, nous faisons envie de jubiler le départ de Bozézé de N'Djamena. Le départ de Bozézé de N'Djamena cachait une attaque sanglante sur RCA. Je l'ai dit ici. Je l'ai dit ici. Et aujourd'hui, ça se confirme. Sinon, qu'est-ce qui justifierait que l'armée française déploie tout cet arsenal à la frontière centrafricano-tchadienne? Dès lors que nous savons que ces deux peuples vivent toujours en harmonie jusqu'à ce que la France installe les bases au Tchad et que cette cohésion soit mise à mal. C'est depuis que la France a installé des bases au Tchad que la cohésion, que le vivre ensemble tchado, centrafricain, bat de l'aile. Vous comprenez mes frères? L'objectif de cette base militaire, de ce poste avancé de Gorée, n'est certainement pas de voir demain les militaires français combattre sur le terrain. Non. L'objectif, c'est de déjouer tous les blocus que la CEMAC a mis sur pied ces dernières années, ces derniers mois, pour empêcher la rébellion en Centrafrique. Le président Biya a pris des dispositions. Il a fait construire entre la frontière, entre la RC et le Cameroun, des postes militaires en pleine forêt équatoriale. Vous avez des postes militaires qui empêchent le transbordement du matériel militaire, le ravitaillement des groupes armés. Le général Malingui Numa et ses hommes abattent un travail phénoménal à l'est. Phénoménal, mes frères. Aucune arme ne peut plus passer par le port de Douala pour rejoindre la rébellion en Centrafrique. C'est pour cela d'ailleurs que les 3R ont été défaits du côté de Garamoulaye. Maintenant que le président Biya a pris toutes ses dispositions pour empêcher cette fluidité qui facilitait la tâche au groupe armé en Centrafrique de s'opérer par la frontière centrafricano-camerounaise, les stratèges de Paris ont changé de cap. Ils sont repartis vers le Tchad. Ils sont en train de créer cette base, ce poste avancé, qui va servir de poste tampon pour ravitailler en logistique, en carburant, en munitions, en formation, les rebelles de la CPC. Les rebelles de la CPC. Un autre groupe armé est en gestation, créé et piloté par Karine Mekassoua. Et vous savez très bien que Karine Mekassoua, c'est un agent des services français, ami proche de Le Drian, qui est en exil en France et qui doit, coûte que faille, arriver au pouvoir par tous les moyens. Mekassoua et Bozézé s'étaient alliés. Cette alliance n'a pas marché. Et Paris estime donc que, dorénavant, la déstabilisation va se faire avec deux fronts. Un front CPC et un front mécaniste. Et donc, Paris a donc décidé de créer une nouvelle rébellion. Cette nouvelle rébellion va s'appuyer sur les hommes des 3R qui ont été mis en déroute du côté de la frontière du Cameroun. Les stratèges de Paris sont en train de les ramener vers la frontière du Tchad pour que des bases militaires et des bases de formation soient construites à cet endroit pour que dans les mois à venir, la RCA soit attaquée par des multiples mouvements rebelles. Pourquoi Paris accélère le processus? Paris accélère le processus et de manière dévoilée parce qu'ils ont été heurtés à l'intelligence d'un homme. Toutes les stratégies ont été heurtées à l'intelligence d'un homme inspiré par Dieu. J'ai cité professeur Foster Archange Ouattara. Lorsque Dieu veut vous élever, lorsqu'il veut manifester sa gloire dans vos vies, les obstacles deviennent avantages. La situation au Soudan complique la situation à Paris. Paris s'est longtemps appuyé sur la frontière du Soudan en manipulant certains Janjaweed pour attaquer la RCA. Aujourd'hui, la situation au Soudan a changé, a tourné. Paris ne peut plus manipuler dans cette zone. Et Paris craint que s'il perd le temps, N'Djamena n'a pas voir clair. N'Djamena n'a pas se réveiller. Paris se doit d'accélérer avant que Déby ne se réveille. D'accélérer le processus de déstabilisation de la RCA. Donc, mes très chers frères, j'ai posé ici l'historique des trois dernières semaines qui a jonché les relations tchadio-centrafricaines. Relations qui jusqu'ici sont au beau fixe. Parce que je peux vous avouer, le nombre de fois depuis ces six derniers mois que le président Ouattara a rencontré son homologue, le président Déby, lors des sommets, des différents sommets, la relation est très chaleureuse. La relation est très bonne. Elle est très fraternelle. Nous, les panafricanistes, à un moment, nous sommes convaincus que c'est l'approche qu'il faut pour les deux peuples. Mais sauf que nous n'avons pas compris pourquoi il y a trois semaines, un mois, pendant que le président Déby était attendu en visite de travail à Bangui, qu'il ait décommandé cette visite de travail. Et qu'à la suite de cette décommande, on en soit à cette succession multitude d'événements qui alerte, qui annonce un danger. Donc, je laisse le soin ici sur le plateau à mes confrères de développer, d'essayer de nous éclairer parce que nous sommes perdus. Afrique Média, le monde, c'est nous.